The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Suitcase. La valise. To put. Mettre. Sweater. Le pull. Pajamas. Le pyjama. Toiletry bag. La trousse de toilette. To take. Prendre. Underwear. Le sous-vêtement. Now, a bit faster. Suitcase. La valise. Underwear. Le sous-vêtement. Toiletry bag. La trousse de toilette. Sweater. Le pull. Underwear. Le sous-vêtement. Sweater. Le pull. To take. Prendre. Toiletry bag. La trousse de toilette. Sweater. Le pull. Underwear. Le sous-vêtement. Suitcase. La valise. To take. Prendre. To put. Mettre. Toiletry bag. La trousse de toilette. Now, use the words in context. Mettre. You put on your shoes. Tu mets tes chaussures. La valise. My suitcase is empty. Ma valise est vide. Le pull. That's my favorite sweater. C'est mon pull préféré. La trousse de toilette. Your toiletry bag is in the bathroom. Ta trousse de toilette est dans la salle de bain. Prendre. I always take my toothbrush with me. Je prends toujours ma brosse à dents avec moi. Le pull. That's my favorite sweater. C'est mon pull préféré. La trousse de toilette. Your toiletry bag is in the bathroom. Ta trousse de toilette est dans la salle de bain. Prendre. I always take my toothbrush with me. Je prends toujours ma brosse à dents avec moi.